Bienvenue à tous à la première émission de Laval Fans Radio. Alors, vous vous en doutez fortement, là, Laval Fans Radio, c'est une émission qui va être dédiée exclusivement au football du Rouge et Or. Donc, c'est animé et c'est analysé par des amateurs du Rouge et Or. C'est une expérience qu'on tente, une expérience qu'on avait envie de faire l'an prochain. On a décidé plutôt de la commencer dès maintenant que le Rouge et Or est en série. Alors, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est la première. On espère la semaine prochaine recommencer et on espère poursuivre évidemment jusqu'à la Coupe Vanier. Si l'expérience est concluante, eh bien, l'an prochain, on va essayer de faire la même émission sur une base hebdomadaire. Donc, moi, je me présente, je suis Philippe. Les gens me connaissent comme étant l'administrateur de Laval Fans, mais aussi le diable que vous allez voir près de la voiture barbecue dans les tailgates ou le long des lignes de côté durant les matchs. À ma gauche, comme analyste, on a Beau, qui est bien connu sur les forums de Laval Fans, connu pour la précision de ses renseignements, l'analyse des matchs. Beau est quelqu'un qui écrit régulièrement. Une des personnes qu'on peut dire qui a un grand niveau de crédibilité sur le site. En face de moi, bien, j'ai Charlie qui est le seul journaliste de Laval Fans, mais qui est aussi à temps perdu le photographe officiel de Laval Fans. Donc, c'est à lui qu'on doit les belles photos cette année. Le 2/3 du budget d'exploitation de Laval Fans. Surtout le 2/3. Et le dernier qui est à ma droite, écoutez, c'est celui que c'est le plus facile et le plus dur à présenter. En fait, c'est qu'on n'a pas besoin de grand-chose pour le présenter. C'est un receveur émérite du Rouge et Or. Malheureusement, sa saison a débuté difficilement, c'est-à-dire par une blessure, et c'est Mathieu Leblanc. Donc, c'est nous quatre qui allons s'occuper de faire aujourd'hui cette première émission de Laval Fans. Et je te vois, Charlot, qui te prépare à parler. Oui. Ah oui, ben, bonjour, messieurs. Bonjour. Vous êtes de bonne humeur. Et que si. Alors oui, en fait, je veux dire, on parle de la belle saison du Rouge et Or parce que ça s'est terminé avec 8 victoires, aucune défaite. Donc, je pense que la première chose à faire pour une première émission, c'est de faire un retour sur la saison 2007. Donc, de voir qu'est-ce que le Rouge et Or a fait de bon et de mauvais coup. Je ne sais pas, Beau, qu'est-ce que tu en penses par rapport... Je dirais peut-être que on va commencer par les mauvais coups du Rouge et Or parce qu'on parle d'une saison électrisante, mais on va y aller avec les mauvais coups pour commencer. Qu'est-ce qui aurait pu peut-être être un peu mieux? Tu me prends un peu au dépourvu pour parler des mauvais coups d'abord. J'ai l'habitude de commencer par les bons, là, mais c'est correct. On va terminer en beauté. On va terminer en beauté, c'est correct. Moi, je pense que c'est pas vraiment un mauvais coup, mais c'était un coup difficile. C'était les blessures. Les blessures, oui. On peut en parler. Hein? C'est... T'es d'accord avec ça, Mathieu? Malheureusement, mon manque de participation aux pratiques, il fait en sorte que je suis ce soir aussi, aussitôt en début de soirée, exactement. Bon, c'est plate. Ben, c'est le thème récurrent aussi. C'est ça. C'est ça. Ça a été tough, particulièrement sa ligne défensive. Là, on a eu quelques blessés partout en défensive. Ça n'a pas été facile, c'est ça. Non, ça n'a pas été facile. C'était tout sauf facile. Benoît Gros aussi, c'était un gros morceau à perdre. On a perdu énormément de gros morceaux. Benoît Gros, Steve Landry. On a Rudy Jean qui vient juste de commencer à jouer. Kelly Hilaire aussi, qu'on a pratiquement Gilbert. Pas vu. Gilbert. Jean-Philippe Gilbert aussi. C'est ça, c'est Jean-Philippe? Jean-Philippe Gilbert. Des fois, moi, puis les noms. Vraiment, plusieurs gros noms qu'on a perdus très rapidement. Puis Mathieu a vraiment eu des grosses blessures cette année comparées aux années passées. C'est une année, c'est le sport, hein. C'est le risque, c'est le contrat invisible qu'on signe, qu'on sait très bien que le sport peut justement entraîner des blessures, on se le cache pas. Moi, c'est ma première à 18 ans, donc je cogne sur du bois pour le moment. C'est triste, mais c'est ça pareil. Mais en bout de ligne, je pense que les gars sont inconscients. Je pense qu'on a un bel encadrement pour les gars. Je pense qu'ils reviennent. C'est ça qui est important. Aujourd'hui, on pourrait noter justement en pratique que les gars comme Steve Landry, Benoît Gros étaient de retour sur le terrain. Donc, ça annonce bien justement pour les séries. Notre jeune, l'année passée, là, Turcotte les tourneaux. Là. Oui. Il n'était pas là non plus. Non. Ça fait mal, oui. Ça. Oui, effectivement. De l'intérieur, je peux même en parler un peu parce que je l'ai croisé avant de quitter le terrain de pratique. C'est sûr que Olivier a de la misère à le prendre. C'est un compétiteur. Il a eu une belle saison l'année passée. Très belle. Dans une discussion solide et de longues discussions intéressantes avec notre conseil médical, si on veut. C'est sûr, par orgueil, par compétiteur, il veut embarquer sur le terrain aussi rapidement possible. Mais c'est sûr qu'on ne veut pas le perdre pour les 3-4 prochaines années à cause d'une blessure récurrente comme on a eu avec d'autres. On sait ce qui est arrivé avec... Jean-Frédéric Tremblay, ouais. c'est une blessure qui est traite. Là. C'était pas à 100%, c'est fini. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de chance à prendre avec ça. Ben, c'est ça. Ça, c'est une première chose. Les blessures, c'était difficile, mais ça nous a permis quand même de voir que l'équipe avait de la profondeur. Oui, l'équipe avait de la profondeur, mais juste avant qu'on retombe dans la profondeur, c'est qu'on avait soulevé quelques points, c'est-à-dire qu'on avait parlé de l'intensité du troisième quart. Puis c'est drôle parce qu'aujourd'hui, à la conférence de presse, Glenn en a parlé un petit peu de l'intensité du troisième quart. Mais pourtant, quand on regarde les chiffres, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on va noter sur papier. Effectivement, parce que si on regarde les points d'un quart, premier quart, 22 points au total comptés contre le Rouge et Or. Au deuxième quart, 17. Troisième quart, 31. Au quatrième quart, 50. Bon, 50, c'est sûr que quand c'est rendu, tes réservistes qui sont là, c'est un petit peu normal. Bon, tu mets la pédale moins à fond, là, mais... Mais quand même. Ça fait peur. Moi, c'est des mauvaises punitions qu'on voit aussi des fois au troisième quart, qu'on ne voyait pas première demi. C'est décidé un paquet de oui, puis choses j'ajouterais qui arrivent au troisième quart. Quand on regarde encore là les statistiques des punitions du Rouge et Or, on ne peut pas dire que c'est une équipe qui est extrêmement punie, en tout cas par rapport aux adversaires, mais... C'est vrai que souvent, les punitions se trouvent à être condensées. Je ne sais pas si on a des chiffres pour parler de la deuxième demi, mais j'ai l'impression que j'ai cherché des statistiques, mais il n'y a pas de statistiques. C'est ça, c'est pas nécessairement facile. C'est sûr, on ne veut pas nécessairement pointer le doigt à personne, que ce soit nos propres joueurs, que ce soit les arbitres, lorsqu'ils voient un grand écart aussi, se mettre plus de la partie pour dire, bon, on va calmer les choses, on va calmer justement le pied pesant sur la pédale. On va essayer de mettre le match le plus bon égal possible dans leur mesure, mais... T'sais, en bout de ligne, je pense que la première demi est pas mal la partie se joue là, veut pas. Exact. Ce qu'on a eu de la misère à faire. On parle de mauvais coup. Je pense que c'est pas nécessairement un mauvais coup, mais je pense que nos débuts de match, c'est à souligner qu'on a eu de la difficulté cette année. À part le match à Bishop qui a été assez concluant comme première demi, on a eu de la difficulté justement à mettre soit des points sur le tableau ou justement d'embarquer point de vue offensivement dans la zone payante justement pour marquer ces fameux points-là. Oui, allez, Charles Éric, je te laisse en place. Ça fait longtemps que j'entends ça. Oui. Sérieusement, moi, je me souviens surtout du match contre McGill. Et là, aidez-moi les gars, là, c'est peut-être ma mémoire qui va me faire défaut. Là. Mais si je me souviens bien, je pense qu'on n'a pratiquement pas marqué deuxième demi. Deuxième demi, je pense qu'on a eu zéro point. Deuxième demi, je pense que ça a fait quelque chose patate. Deuxième demi. Je sais que c'est ça, justement, mais lorsqu'on parle du troisième quart, autant pour notre défensive que notre attaque, notre meilleure défensive, c'est notre attaque, si on est capable de rester sur le terrain, gruger du temps, c'est un cliché au niveau football, mais l'offensive est sur le terrain, on gruge du temps, on gruge des verges, notre défensive reste à l'extérieur, puis on empêche justement... Je suis d'accord avec toi, mais c'est drôle, parce que le temps de possession, il y a ça comme statistique dans nos affaires. Là. C'est justement au troisième quart où le Rouge et Or a le plus longtemps le ballon. Le plus long, hein. C'est comme contradictoire en même temps. Exact, c'est ça. Ben, peut-être qu'on peut dire ce qu'on veut au chiffre en bout de ligne aussi. On peut faire des affaires, mais, parlez-en aux politiciens. N'empêche que, comme tu dis, on parle des mauvais coups, mais c'est quand même une saison de 8 victoires, aucune défaite. Donc, de trouver des mauvais coups, l'idée, c'est de réussir à aller chercher quelques éléments sur lesquels, je veux dire, on n'a pas atteint le 100% de la note, on va dire. Mais ça nous a permis, justement, de relever d'excellents coups. Puis là-dessus, je fais référence aux blessures. Parce que, grâce aux blessures, ça nous a fait voir que, justement, l'équipe avait une profondeur et des réservistes vraiment exceptionnels. Exceptionnels. Mais... Oui, mais j'aimerais parler. Je sais pas où tu voulais en venir. Mais je voulais en venir, c'est-à-dire, je voulais plutôt. Maintenant qu'on s'est attardé au mauvais coup, je dirais que ça serait bien de peut-être, puisqu'on parle d'une saison de 8 victoires, de retomber dans les bons coups, parce que c'est là que, justement, on est allé chercher 8 victoires malgré les blessures, malgré un paquet d'autres éléments. Effectivement. Puis bon sang, avec les réservistes qu'on avait, je veux dire, ça a été excellent. Bien, dès le premier match, on a vu. Des choses extraordinaires en Julian Feoli, oui. D'abord. Oui, d'abord. Aussi exact. En Bruno. Des recrues Bruno vraiment exceptionnelles. Là. Oui. Bruno. Moi, j'ai trouvé que Bruno, il m'a impressionné comment il avait du sang-froid. Aucune hésitation. Hein. Oui, la ligne défensive de Sherbrooke était après lui. Il attendait encore un petit peu, se tassait. Oh, non, le gars n'était pas encore libre. Voilà, fait la passe, parfait, c'est beau. Mathieu, franchement, je sais pas ce que t'en penses, là. Est-ce que vous. Au camp d'entraînement, vous voyez les recrues arriver, vous voyez comment est-ce qu'ils travaillent, les recrues. Sérieusement, on ne peut pas s'attendre à un résultat comme ça. C'est des recrues, c'est des gars qui n'ont pas vu nécessairement, soit, qui ont pas, soit des recrues ou des gars qui n'ont pas vu encore beaucoup de terrain universitaire. Les gars qui n'ont pas vu une aussi grosse foule aussi. Là. Ben oui, puis les gars, ils arrivent, puis écoute, ils livrent la marchandise en tabarouette. On ne peut pas s'attendre à ça. Je pense qu'on revient un peu touché à l'aspect compétiteur. On parle d'Olivier Turcotte, les tourneaux. Je sais que quand moi, je suis arrivé, c'était pour les mêmes raisons. J'embarquais sur le terrain, puis moi, c'était clair que j'allais être partant, j'allais contribuer, puis j'allais faire de quoi de spécial à ma première année. J'ai eu la chance de le faire, c'est pour ça que je peux m'en vanter. Reste que c'est l'attitude qu'il faut adopter. Puis je pense que lorsqu'on parle des gens comme des joueurs comme Julian Fioli, pose énormément de questions en pratique, veut apprendre davantage, s'intéresse au jeu, et de deux, possède toutes les qualités nécessaires. Donc là, ce que tu mets, ce package-là, si on peut se permettre, ensemble, je pense que ça permet justement à un joueur d'exceller au niveau universitaire. Julian, il n'a pas eu la tâche facile. Il est arrivé peut-être 3 semaines avant le camp d'entraînement. En effet, il est arrivé un peu tard, si on veut, dans le cheminement, dans la transition, si on veut, en termes avec l'équipe. Mais a su s'adapter. Je pense que c'est un peu l'effet surprise aussi que ça a sur les autres joueurs. Je pense qu'il arrive là avec un focus, un aspect mental de dire « bon, j'arrive sans avoir connu les autres joueurs, sans avoir fait de… » En tout cas, il semble s'être adapté très bien à l'équipe, puis d'avoir appris le livre de jeu assez rapidement. Je dirais qu'à la limite, moi j'ai l'impression qu'il joue comme justement un ancien. J'ai l'impression qu'il a toujours été là, je le vois jouer, puis je suis là « wow, mon Dieu, j'ai de la misère à croire que c'est sa première saison ». Effectivement, je suis bien d'accord. Juste pour poursuivre encore, je dirais, dans des beaux problèmes qu'on a eus, puis on va peut-être terminer là-dessus les bons coups, c'est le Milo et Takas, qui ont été vraiment... je veux dire, dans le fond, c'est peut-être... C'est un des beaux problèmes. Évidemment, c'est dommage pour Cameron. Absolument. Mais en même temps, je veux dire, ça a été la venue d'un joueur aussi exceptionnel comme recrue. Oui, Christopher Milo, franchement, au début de la saison, je pense que l'année dernière, on est tous un peu tombés en amour avec notre Beach Boy. On l'aimait beaucoup, Cameron. On a eu bien du fun avec lui. Ça faisait longtemps qu'on avait besoin de quelqu'un pour nous faire des placements comme ça. Peut-être les côtés dégagement, c'est sûr quand tu le compares. Je faisais pas la job, c'est ça. Je voulais pas te le dire, Mathieu. Mathieu, c'est parce qu'on t'aime recevoir. Je suis content que Cameron et Milo. Au début, on voyait que Chris avait de la misère. On le voyait, par exemple, au camp d'entraînement, puis dans les pratiques, il avait le compas dans l'œil. C'était épouvantable ce que ce gars-là était capable de faire. Il arrivait en match, ça marchait pas. Puis nombre de fois, je suis allé voir Glenn Constantin. Il me l'a même pas reproché, mais dit clairement dans une conférence. Il te l'a rappelé. Il me l'a rappelé qu'il appelait un seul batteur, qu'il avait un seul batteur. Mais je suis allé voir deux fois pour lui demander « Ouais, deux batteurs, ça pourrait-tu faire l'affaire? » Ou bien « On pense-tu à ta caisse à un moment donné? » Puis aujourd'hui, je ne changerai pas Christopher Milo contre trois Takas, malheureusement. C'est pour ça que c'est Constantin qui est le coach. Exactement. En effet, ça a été une décision, je pense qu'on peut se le dire, très difficile. Dans mon livre à moi, comme son teneur, Cameron, dans mes yeux à moi, était un All-Canadian l'année passée. Ah oui, bon, oui, c'est des politiques que, malheureusement, je connais pas. Sauf que pour malheureusement enlever ton joueur des unités spéciales chez le Rouge et Or en 2006 pour mettre un joueur recru, ça prend des méchantes paires de pantalons, paires de souliers qui en suivent pour prendre cette décision-là. Puis je pense que où est-ce qu'on en est à 8-0, on peut pas. Effectivement, mais je trouve que on a été sévère envers Milo. Évidemment, j'ai sorti les stats là. Puis oui, oui. Les bottés qu'il n'a pas réussi, sérieusement. OK, soyons honnêtes là. 46 verges, 39, 44, 30, 35. Il y en a juste 5. C'était pas si pire. C'était pas des pitchs. Non, c'est ça. C'était non. Pas des petits coups de il a changé de teneur aussi de ballon. Tu sais, je sais que je suis plus dans le décor. Je sais que ça passait par Dwayne John par la suite. Ça, ouais. Et maintenant, Victor Tremblay. Donc, tu sais, ça change un peu la donne dans puis, les joueurs. Ça, pour conclure sur ce point-là, d'ailleurs, quand j'avais rencontré Christopher dans les estrades, il m'avait dit justement que le fait. La cohésion avec les teneurs et le timing était ce qui était le plus important dans les bottés de dégagement. S'il manquait que ce soit une fraction de seconde de cohésion et de timing, ça ne marchait pas. Et c'était vraiment un travail d'équipe, là, les bottés. Il y avait sa grosse part de travail là-dedans, mais que le travail d'équipe était super important. Mais chapeau, Glenn, d'avoir fait confiance à Christopher. Puis chapeau aussi, on va en reparler plus tard, d'avoir envoyé, de donner l'opportunité à Cameron de continuer chez Cogno. Donc, on va conclure la première portion là-dessus. Charles-Éric, avant qu'on quitte, je te laisse présenter la prochaine chanson qu'on va entendre. Oui, absolument. Une chanson de Third Pole qui nous accueille si gentiment dans leur magnifique studio. On va entendre Noise de Third Pole. Alors, rock and roll. Noise, the third pole, rock and roll. Si vous aimez ce que vous entendez, myspace.com/third pole. Si vous êtes intéressé à avoir un CD, envoyez-moi un petit message privé, puis je vais m'arranger. Je vais m'occuper de ça pour vous autres. Monsieur Lamarche, mon frère. Oui, moi, Charlie, j'aime bien ta façon de dire rock and roll. Je me sens 107,5, quelque chose du genre. Bon, dans la portion souvenir, une chance qu'on avait la musique. La toune de Noise pour nous ramener. On n'a juste pas de petits messages doux à faire entendre à ces douces. Chérie, je t'aime. On en est rendu maintenant à parler du match qu'on va avoir samedi entre les Carabins et le Rouge et Or. On va débuter avec Charles-Éric, qui va nous parler un petit peu de ce que les Carabins doivent faire pour réussir, ou en tout cas, à tout le moins, opposer une performance contre le Rouge et Or. Hypothétiquement parlant, si Montréal veut gagner. Non, sérieusement, justement, j'en ai parlé un brin avec Glenn Constantin, justement, à la conférence de presse. Je pense que le premier travail que Montréal vont devoir faire, s'ils veulent donner une opposition à ce match-là, ça va être de rentrer dans la tête des gars. Ça va être leur première job. La première job, évidemment, ça joue sur le terrain, mais ça va jouer dans la tête des gars. Puis quand tu dis dans la tête des gars, tu veux dire les déranger par l'attitude de travail durant le match. Montréal sont forts là-dessus. Bon, on ne se le cachera pas. Là, souvent, on trouve qu'ils agissent un peu en bombe. On se souvient qu'est-ce qui s'est passé en 2005. En effet. Yes, puis... Tu t'en rappelles? Oui, comme c'est hier. Je m'en rappelle très bien, c'est des sentiments qui reviennent. Je revois encore l'image, justement, qu'il y avait dans le soleil de Glenn Constantin qui empoignait Woodley. Ça, c'était merveilleux. Mais la game psychologique, Montréal, sont forts là-dessus. Puis ils vont devoir déranger le Rouge et Or pour essayer de gagner l'avantage. L'avantage dans la tête des gars, il va falloir qu'ils les dérangent, les sortir de leur game, toucher leur orgueil, frapper leurs émotions. S'ils réussissent à les sortir de leur game psychologique, Montréal vont les déranger, ils vont avoir une chance de gagner. Ils vont prêts à les déranger. Puis Montréal arrive de 3 victoires consécutives. Ils sont gonflés. Exact, c'est ça. Ils sont en feu, en bon français. Tout là. À fait. C'est des matchs qui avaient des enjeux justement sur leur saison. Oui, le match dernier, c'était un match que je pense aurait pu terminer leur saison et ils en ont sorti gagnant. Donc en soi, je pense que c'est une partie série. Donc il y a une partie sur toutes les autres équipes en série, si on veut, entre guillemets. Mais je pense que comme vous le dites, là, c'est à bloc et je pense qu'ils sont prêts pour arriver à l'avant. Ça bloque. Mais je pense qu'ils n'ont rien à perdre de toute façon. Ils n'ont rien à perdre. Rouge et Or non plus, bien sûr, mais je veux dire. Rouge et Or, ils vont perdre la crédibilité. Oui, c'est raison. Le Rouge et Or a beaucoup plus à perdre dans ce match-là que les Carabins. Que les Carabins. Les Carabins arrivent comme négligés et les Carabins, tout le monde leur prédise une défaite. Exact. À part peut-être quelques fans, mais je pense que dans l'ensemble. Je pense qu'ils sont donnés perdants. Quelques fans et RDS, là, on s'entend. Ah, peut-être. Oui, les gens de RDS en ont parlé à l'éditorial de avec le Baron, je pense, avec Chantelois. C'était pas Chantelois. Je viens d'entendre David, notre technicien, qui était crampé. C'était pas Chantelois qui... On l'a lu sur le forum. C'était pas Chantelois qui prédisait la victoire des Carabins. C'était son collègue. Puis, aucun doute, les Carabins vont gagner ce match-là, comme si ça allait être un walk in the park. Ils ont déjà prédit ça, je pense, en 2004 ou en 2005. Ils ont prédit à 110%, justement, tout le monde, le panel était pas mal d'accord que Carabin allait gagner. Et malheureusement, ça n'était pas le cas. Donc là, je ne sais pas si l'histoire va se répéter. Je me souviens de Charles Lafortune aussi qui avait appelé Glenn Constantin pour lui chanter des bêtises et dire qu'elle allait gagner. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est sûr que les Carabins ont quand même le potentiel pour y arriver. Parce que les Carabins, on ne parle pas de pieds de céleri. C'est une excellente équipe. C'est ça qui me fait peur. C'est que là on met le Rouge et Or gagnant, là, mais... Faut pas les prendre à la légère. Non, jamais, c'est ça. Ils ont les éléments pour un des gros éléments, tant qu'à moi, des Carabins. Et Matt, t'as déjà joué contre ce gars-là, Martin Gagné. Le 51. J'ai joué avec même Team au collégial. Canada, au collégial. Okay. C'est un gars qui est hyper motivé. C'est un gars qui a un méchant gros moteur aussi. Là. C'est un gars qui va se rendre jusqu'à Ben ou à César ou peu importe qui est là. Je dis Ben parce qu'ils ont... Ils ont souvent eu à s'affronter pendant les saisons passées. Mais j'irais même du côté offensif à dire Hans Boursicot a été un joueur qui malheureusement n'a pas eu, disons, l'étoile ou la lumière dans l'ombre à Joseph Morrowey. Mm-hmm. Mais cette année, c'est lui le meilleur porteur de Montréal. Ça l'est, puis je pense que c'est suite à son camp du défi SOS. Je pense qu'il a très bien performé là. Puis je pense qu'il y a un petit goût amer dans sa bouche de comment son passage à Montréal a été traité. Puis je pense qu'il n'y a rien à perdre. Il est un peu en fin de carrière, veut pas. Il essaye pour la Ligue canadienne, il s'en cache pas. Mais en même temps, ça peut être un de ses derniers matchs universitaires. Je pense qu'il est prêt à relever le défi. C'est sûr. Derrière Hans Boursicot aussi, il y a Chamberlain Pinto qui est de retour d'une blessure. Je ne sais pas s'il avait joué la semaine dernière, mais il a été une bonne partie de la saison blessé. Il était blessé deux matchs. Et là, il est de retour. Puis il est à ne pas négliger non plus. C'est un gros morceau. Je pense que ça tombe aussi dans notre palette. C'est nos porteurs qui sont très bons, mais ce qui relève Yao, c'est des gars justement comme Sam Fournier, Guillaume Allard, Camus. Je pense qu'ils donnent un peu ce break-là, mais donnent un peu un coup de poing comme qu'on a vu Sam Fournier en quatrième quart contre l'Université de Bishop. Je pense que ça fait mal à recevoir un gars de même qui finit oui, une partie. Oui, c'est ça. Faut pas oublier une autre chose. Montréal, là, ils ont quand même perdu beaucoup de joueurs sur la ligne offensive qui était 4e, 5e année l'année passée. Mais ils ont quand même du bon stock sur la ligne offensive. Oui, mais ils ont une grosse ligne. Une grosse ligne efficace. Mais jeune, là. C'est gars, la majorité, c'est des recrues. Mais les gars sont franchement très efficaces. Marc Fortier, d'ailleurs, disait que c'était une excellente ligne offensive. Connaissent très bien leur travail, savent qu'est-ce qu'ils ont à faire. Puis en plus, ils ont la chance d'avoir comme carrière Marc-André Brouillette. C'est un gars qui est hyper... C'est Marc-André? Marc-Olivier. Il me semblait qu'il y avait quelque chose qui marchait pas. C'est un gars hyper mobile. Puis, ils sont pas faciles à pogner. Non. Puis, bien, juste pour dire un peu ce que Glenn disait aujourd'hui, c'est qu'au cours de l'année, il s'est beaucoup amélioré dans le sens où, au début, il a couru pour courir, mais de plus en plus, il court parce qu'il est à la recherche de receveurs. Je veux dire, ses courses ont changé. C'est-à-dire que lui, comme porteur de ballon, corps arrière, a beaucoup évolué dans son attitude. C'est un peu une équipe pas différente, les Carabins, mais qui offre quand même une dimension. Puis je pense que c'est la confiance, justement, de la ligne à l'attaque qui a progressé pendant toute l'année. Mm-hmm. C'est un entraîneur de la ligne là-bas qu'on connaît un peu. Il a coaché, justement, à l'Université de Sherbrooke aussi, qui est très exigeant envers ses joueurs. Malgré la jeunesse, je pense qu'il prouve, justement, dans la petite progression de 8 mm-hmm. semaines, que les joueurs ont pu soulever le défi que lui, en tout cas, ils ont présenté. L'autre chose, je pense que les Carabins n'est pas la même équipe. Les Carabins ne sont pas les mêmes joueurs avec Marco Brouillette comme corps arrière. Ils ont joué une couple de fois avec Oui, que tu veux dire que Stéphane Larosilière, oui, bien sûr. Larosilière, mon Dieu, c'est oui, ça change les Carabins. C'est ça change la dimension complète de l'équipe. Je trouve que quand on voyait Marco Brouillette, c'est différent. Quand on l'a vu contre Laval, puis les journées d'avant, les matchs d'avant, c'était Larosilière. Les choses peuvent bouger. Je veux dire, il y a bien des choses qui peuvent arriver. Non? Je trouve que c'est un petit peu plus imprévisible de jouer contre Brouillette que contre Larosilière. On va passer maintenant à la portion de Laval, bien sûr, celle qui nous intéresse tous. Oui, Charles, oui, je te vois réagir. Oui, avant de passer à Laval, juste un autre joueur d'impact qu'il ne faut pas oublier, Frank Bruno. Oui. Tout un receveur de passe. Oui. Une recrue, effectivement. Encore une recrue, puis ouais. Quand tu mets le duo Brouillette et Bruno ensemble, je pense que ça aussi, ça peut faire effectivement, mal. Effectivement. Avec une jeune point. Tertiaire qu'on a à Laval aussi, ça peut, ils peuvent aller chercher des gros jeux, peuvent aller chercher des points. Totalement d'accord. Maintenant, bien oui, c'est ça, Laval. C'est-à-dire, évidemment, on espère tous là, que Laval va gagner, mais Laval, pour gagner, ils doivent travailler eux aussi. Fait que je suis curieux de savoir, toi, Beau, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses que Laval doit faire pour mériter le match? Honnêtement, là, moi, je pense que les gars devraient avoir des verres de contact jaune. Fait que le bleu paraîtrait vert, fait que ça passerait plus. Rien qui va passer. C'est bon, ça. Mais c'est parce que je pense que les gars, faut qu'ils oublient que c'est les Carabins. Parce que oui. Je pense que Laval joue avec émotion quand c'est les Carabins. En effet. Mais, puis, on voit des mauvaises punitions des fois contre les Carabins. Puis, ça, c'est cet aspect-là d'émotivité. La discipline, si ouais, on la met de côté contre les Carabins, là, je pense que les Carabins n'ont aucune chance contre Laval. Puis dans cette même optique-là, je pense que ça complimente un peu nos points faibles de la saison. C'est de commencer en force. T'sais, je pense qu'on ne se le cachera pas. On a eu de la difficulté à le faire. Encore plus important en match de série contre une équipe qu'on n'aime pas à la base, que les médias en fassent un plat avec, que les saisons antécédentes en font un plat avec. Je pense que c'est important de mettre le point tout de suite dans les premiers quarts, les premiers instants, de dire que ça va être un match peut-être pas à sens unique, mais au moins de dire que notre tempo va dicter le reste de la partie. Exact. Puis le match va être débuté par César et non pas Benoît, qui va être, le réserviste de luxe qu'on va peut-être avoir pour la partie. Oui, je dis réserviste, hein? c'est un bien grand mot. Mais... Ça reste dans les mains de Justin. Non? Oui, c'est ça. Mais ce que je voulais dire, c'est que, je veux dire, là, c'est César qui débute le match, mais c'est un corps arrière exceptionnel qui nous a amenés jusqu'aux séries parce que c'est quand même lui qui a fait une bonne portion du boulot en collaboration avec Benoît, puis je sais que là-dessus, tantôt, Mathieu, tu voulais dire quelque chose. Il ne faut pas le cacher. Puis là, j'ai l'opportunité de parler justement à un public qui est malheureusement plus grand ou heureusement plus grand que nous trois, qui nous quatre, en fait, qui sont ici. Il ne faut pas se le cacher. Benoît a contribué grandement l'année passée, l'année d'avant. Mais il y a toujours un gars qui a été dans son ombre pendant ces années-là, qui est arrivé en même temps à Laval, puis c'est César, justement. Cette année, il y a eu la chance de contribuer dans des conditions plus favorables, disons-le, là, non pas des tempêtes de pluie puis des fins de match. Il a su relever le défi. On ne peut pas s'en cacher. Benoît a un talent incroyable et lorsqu'il va être en santé, il va reprendre probablement son poste. Mais pour l'instant, je pense qu'on doit un grand mérite à César qui, a, malgré dans l'ombre, a su relever le défi que Justin lui a imposé. Le Rouge et Or, ainsi que tous ses partisans, c'est de garder cette fiche intacte, parfaite. Intact, je pense qu'on mérite ça à la profondeur, une fois de plus. Il y a tous les joueurs qui soulèvent justement ce débat-là de dire partant, pas partant. César, je pense que... En fait, j'aimais ce que tu disais avant l'émission. Tu parlais de César justement comme n'étant pas un réserviste, comme étant quelqu'un qui aurait pu être partant dans bien d'autres équipes. C'est pas un réserviste. Non. Mais c'est quelqu'un qui aurait pu faire la job. Quand on, justement, quand ton deuxième carrière réussit à jouer contre Bishop 25 en 31, c'est quelque chose, là. Franchement, là, c'est quelque chose, 25 en 31, là. C'est incroyable. Dans les QB ratings, là, t'as Benoît Grou, t'as César Sanchez. Les deux sont... Et là, on parle au niveau du Québec, là. C'est ton deuxième carrière qui est derrière ton partant. Oui, c'est vraiment une performance exceptionnelle là, de César. Là. C'est une qualité au joueur, tu sais, parce que César, à un moment donné, quand Benoît va revenir, va reprendre sa place et en est conscient. Mm. Mais une fois de plus, le prend avec un sourire. Je pense qu'on, quand on le voit jouer, je pense qu'on ne peut que faire que sourire parce que, bon, je pense que chaque fois qu'il prend le ballon, on espère que des bonnes choses pour lui. Après certains matchs, il n'a pas joué, bien sourire. C'est incroyable. Je ne sais pas si le voyage du Mexique au Canada puis le temps froid fait en sorte que ses joues collent. Je ne sais pas. Je veux pas faire de spéculation là-dessus, mais il a le sourire toujours collé aux lèvres. C'est bon signe. Il est vraiment sympathique. Tant mieux pour l'esprit d'équipe. Comme je le disais tantôt, c'est quand même mon joueur coup de cœur. Mais j'en ai un autre aussi qui va avoir justement son incidence dans la partie. C'est Christopher Mailo. Oui. Parce que le positionnement de terrain risque d'être particulièrement important. Tantôt, Matt en a parlé, il parlait des points. Puis dans ce match-là, ce qui peut faire la différence, chaque point va être important. Que ce soit un safety, que ce soit un 3 points, que ce soit un touché, que ce soit le converti après le touché, chaque point qu'on va aller chercher va avoir son importance. On ne peut pas se permettre d'en manquer. On ne peut pas se permettre d'en éviter aussi. Dès qu'on a la chance d'y aller pour des points, allons-y parce qu'on va avoir besoin de chaque point qu'on peut aller chercher. C'est pas la NFL, on se le cachera pas. On peut donner ces un point-là, ces deux points-là, puis je pense qu'il faut en tirer l'avantage. Il y a trois facettes du jeu. C'est à trois tiers. Offensive, qu'on donne beaucoup de crédit pour marquer des points. La défensive, qui en empêche, mais veut pas. C'est le positionnement sur le terrain qui gagne des parties. Puis Saskatchewan, l'année passée à Coupe Vanier, ça a été carrément ça. Qu'est-ce qu'il a fait, effectivement, mais on a vu plusieurs matchs par le passé où ça a été serré, surtout à cause du positionnement. Oui, le positionnement. C'est pour ça que, justement, avec la présence de Christopher, bien, c'est un atout vraiment important dans l'équipe, un atout important pour le match. Hey, Christopher Mailo, je me souviens, à Sherbrooke, le premier match, son premier botté d'envoi, je ne sais pas si vous étiez là, si vous en souvenez, il a botté dans son début. Oui, c'est vraiment. En fait, incroyable. Je l'écoutais à Chiz à ce moment-là. Ah oui. Puis j'avais l'impression de juste entendre ça. Alors, encore un point? Début, c'était vraiment hallucinant. Les gens de Sherbrooke, là, où est-ce qu'on était, là, ils hallucinaient. Hein? Il botte donc fort. Ah ouais. Ouais, je pense que tout le monde a été surpris justement à ce moment-là. Puis il a été reconnu aussi parmi la Ligue avec les récoltes des 10 nominés là, parmi les équipes, l'équipe étoile du Québec. Donc je pense que ça lui donne un vote de confiance aussi, autant par l'entraîneur-chef Glenn Constantin qui a donné les 8 matchs de la saison, malgré que ça allait plus ou moins bien en début d'année. Et maintenant pour les séries, je pense que ça donne un peu la petite poussée, la tape dans le dos qu'il a besoin pour continuer. Pour continuer. Faut pas oublier que ce gars-là a appris avec Damon Duval. En effet. C'est pas n'importe qui. Un bon coach. Pour rassembler tout ça, là, je dirais, dans ce qu'on vient de parler, là, ce qui est important pour Laval, ça va être d'imposer le tempo, de frapper fort, d'être extrêmement discipliné. Évidemment, la position de terrain, c'est ce qui va faire la différence pour le match. Écoutez, comme Charles-Éric disait, chaque point va faire la différence. On parlait de joueurs d'impact aussi. Excuse-moi, j'arrive avec le dernier point dans le fond. Là. On parlait de joueurs d'impact chez Montréal, ce qui est plaisant à Laval. Chaque partant peut faire la différence dans ce match-là. Oui, exactement. N'importe qui. Et on pousserait même à dire que chaque réserviste peut faire la différence dans ce match-là. Oui, tout à fait. Je pense qu'on peut dire aussi à Laval qu'on peut enlever le mot réserviste puis mettre le joueur qui va le remplacer dans le cycle, si on veut. Que ce soit un repos pour un jeu ou pas. Ça n'existe pas un réserviste à Laval? Je pense pas. Je pense qu'on peut confirmer ça ce soir. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Je pense qu'il n'y a personne qui a envie de s'assigner là-dessus. Parce qu'on parle de trois carrières qui ont très bien performé dans la mesure. Cette année, je pense qu'on peut enlever le terme réserviste. Je suis entièrement d'accord. Là-dessus, ben moi, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai besoin d'aller prendre une petite gorgée d'eau, c'est certain. Mais Charles-Éric... C'est bon. Ça, Charles-Éric. Oui, petit bloc musical encore avec nos copains de Paul. On parlait des beautés extraordinaires de Christopher Mailo. On va écouter « Million Miles Away ». Rule my world, searching for the truth. Million Miles Away avec nos copains de Third Pole qui nous reçoivent dans leur merveilleux panthéon du rock au milieu de Sainte-Foy. Merci beaucoup les gars. Si vous avez aimé ça, myspace.com/thirdpole. Envoyez-moi un message privé si vous voulez leur céder. Ça va me faire plaisir de vous donner un petit coup de main. Cette semaine, ça a brassé quand même pas mal sur les forums parce qu'il y avait bien des sujets de conversation. Je parle du forum de Laval Fans. Mais le sujet qui a retenu notre attention, évidemment, c'est Cameron Takus qui quitterait l'année prochaine pour aller avec l'Université de Concordia. Même qui va quitter. Oui, qui ça a été confirmé cette semaine. Je pense qu'on a des journalistes qui s'abreuvent sur les différents forums, que ce soit CIS, que ce soit Laval Fans. C'est bien, bien agréable de lire ça dans les journaux. Mais ça a été confirmé. Cameron, l'année prochaine, ça va à Cagno évoluer avec Jerry. Puis, moi, à dire vrai, je trouve ça fantastique. Si Glenn ou peu importe qui a commencé à faire les démarches, je veux dire, je trouve que c'est une bonne chose. Dans le cas de Cameron, je pense que c'est au niveau académique. Le français était rendu trop facile pour lui que... Non, je suis nerveux. Vraiment, pour Cameron, c'est sûr que le français... apprendre le français ici, c'est un atout. Je ne sais pas que ça a été la seule décision. Évidemment, le football prend un poids, mais il faut quand même le noter que... Je pense que son apprentissage stagnait à un certain moment donné parce que veut pas les gars dans l'entourage, ils parlaient quand même en anglais. Quand tu veux communiquer sur le terrain, il faut que ça se fasse vite. Et le terrain n'est pas nécessairement le meilleur endroit pour développer le français ou le français enseigné, si on veut. Mais dans ce cas-ci, par rapport au foot, ça faisait quand même un bon petit bout de temps que Cameron avait approché coach Jerry McGrath à ce sujet-là. Et puis Cameron quand même a pris ses clics et ses claques. Il est allé voir Glenn justement pour lui demander de l'aide. Et Glenn avait grand plaisir lui en offrant pour communiquer avec Jerry puis offrir la possibilité qu'il fasse le transfert en ne perdant pas l'année vu qu'il n'a pas joué. Exact. Mais je trouve que c'est une bonne chose parce qu'en plus, il va aller étudier en journalisme à Concordia en travaillant avec Jerry McGrath. Je veux dire, avec un ancien botteur, parce que c'est un excellent botteur, Cameron. Non? Oui. Je veux dire, cette année, là, on a Christopher Marlowe qui est là, mais... Je veux dire, Cameron, l'année passée, nous en a fait vivre des belles émotions. Là. Notre Beach Boy préféré. Oui. Ben, on parlait de carrière, on était choyé. On peut parler de botteur aussi, on se le cachera pas. Mais la profondeur là aussi. Là. On est chanceux. Ouais, là. Mais ça, là, on n'est pas habitué à la profondeur de botteur. Vraiment, là, la profondeur de... Malheureusement, je ne sais pas si vous nous écoutez, mais on a été pris avec un Nicolas Racine pendant longtemps. J'adorais Nicolas, c'était un bon Jack. Oui, tout à fait. On avait de la misère avec ses bottés, tu sais. On était un peu, on l'a imposé pendant plusieurs années parce que on n'avait que ça. Et juste pour revenir encore à Cameron, moi, il y a un point, peut-être que personne ne l'a noté, mais je me demande, il y a combien de personnes dans le football universitaire qui vont avoir eu la chance de passer au travers de trois équipes comme ça? Parce qu'il arrive quand même du Varsity Blues pour ensuite passer d'une équipe qui avait toujours perdu à une équipe championne. Puis ben, s'en aller avec Concordia, là, c'est pas. Quand c'est une excellente équipe. Là. Je pense que ça va contribuer, c'est ça. Je pense que ça va contribuer à son développement. Je pense que veut pas, il quitte champion. Donc au moins de ce côté-là, il a accompli, je pense. Et il a contribué aussi. Là. Donc je pense qu'il faut le souligner. Il était là. Il a contribué. Et en grande partie, on se le rappelle peut-être plus ou moins, mais contre Concordia en double prolongation, je sais pas quelle partie que c'était. C'est le botté gagnant qui a gagné cette partie. C'était durant la saison. C'est durant la saison, le dernier match, je ne me trompe pas, de la saison, ou un des derniers matchs. Je pense qu'il faut le noter, Cameron est quand même une grande partie du succès de 2006, puis c'est triste quand même qu'il va nous quitter. Exactement. Sur cette note-là. Non, puis même, en fait, je dirais que c'est comme une belle fin dans le sens où, je veux dire, maintenant que quelqu'un avait pris sa place, de savoir que lui va pouvoir aller contribuer ailleurs, s'améliorer, puis je ne sais pas quelles sont ses vues, s'il a l'intention de peut-être essayer un jour d'aller dans la Ligue canadienne. Mais je veux dire, c'est important qu'un aussi bon botteur ait encore la possibilité. Là, il y a du potentiel, ça, c'est sûr. Exactement. Deux points, moi, par exemple, que Cameron va trouver extrêmement dur. Et franchement, je suis un peu déçu pour lui. Je te vois venir. Et d'ailleurs, ça peut faire partie d'un de ses records. Combien de joueurs du Rouge et Or ont eu la chance de vivre les tailgates du Rouge et Or? Je tiens à mentionner, Cameron était là à pratiquement tous les tailgates cette année. Cette année. Avec... un très beau fan club. Et va-t-il amener son fan club ou va-t-il s'ennuyer de son fan club? Comment un très beau fan club? Parce que à Montréal, écoute, on le sait à Québec, les filles sont belles, les filles sont super belles. C'est quoi qui fait ça? Ah, on a quelqu'un qui... Les filles sont très, très belles à Québec et Cameron, notre beach boy, va sûrement s'ennuyer de ça. Non, vas-y, mais non, je veux dire, c'est sûr. J'ai côtoyé Cameron comme en plusieurs années. Maintenant, elle est installée avec une copine, donc je sais pas si ça aussi a un effet sur ce côté-là de sa la chose. Sa copine a des belles amies, en tout cas, ça c'est sûr. C'est sûr que j'imagine que les parties sont jamais trop ennuyeux de son bar, mais là, il va au moins pouvoir communiquer dans sa propre langue, sa langue maternelle, qui est l'anglais. Je sais pas si le côté francophone était plus cute ou attirant du côté des filles, mais au moins, je souhaite bonne chance. Là, je sais que personne ne l'a entendu, mais on a entendu... Pas un signe d'impatience, mais on a entendu quelques sons derrière nous. En fait, c'est David Genet, notre excellent technicien, David, qui, je sais, se meurt d'envie de nous parler de la... Hein? Hein? Il se meurt d'envie de nous parler de la fin de semaine de la NFL. Et en fait, je sais que David veut nous parler des 5 matchs à surveiller. Fait que David, je te laisse aller voir avec... Dis-nous qu'est-ce qu'il faut pas qu'on manque, à part la game du Rouge et Or. Oui, c'est ça. Le match le plus discuté cette semaine, évidemment, c'est Rouge et Or contre les Carabins à Québec, bien sûr. Mais l'autre match, évidemment, c'est les Patriots contre les Colts à Indianapolis. Je pense que dans l'ensemble des médias qu'on a présentement, le changement d'heure va permettre aux médias d'en parler une heure de plus. Hein? Oui. Parce qu'on commence à être pas mal saturé de ce côté-là. Fait que je m'arrête là, si ce n'est que de prédire que les Pats devraient l'emporter à l'étranger. Malheureusement pour les fans des Colts, ça devrait pas être trop difficile. Les Pats, on dirait qu'ils jouent à Madden 2007, puis ils jouent à Beginner, hein, puis le reste de la ligue, c'est... C'est une belle analogie. C'est excellent. Puis à part ça, qu'est-ce qu'il faut qu'on regarde? Hey, attends un peu ouais, David. Okay. Toi, tu penses vraiment que les Pats vont sortir haut la main de ce match-là? Probablement pas facilement, mais parce que la défensive des Colts s'est pas mal améliorée. Mais malgré ça, les Pats sont extrêmement forts. Je pense que le feu, présentement, brûle du côté des Patriots depuis... l'affront que Bill Belichick a subi au début de la saison avec l'histoire des enregistrements. Là. Je pense que ces gars-là ont une flamme vive, puis les Colts, tant qu'à eux, ils ont leur championnat, puis on sent qu'il n'y a pas nécessairement la même passion. Là. Mais dans les fans, là, présentement, en tout cas de mon côté, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui veulent voir les Patriots mourir ce jour-là. Ah ben ça, je te... Écoute, on pourrait se déchirer d'allégeance, mais si on revient sur le terrain puis qu'on regarde le talent, les deux équipes, ça déborde de talent, mais moi, je vais pencher, avec les performances qu'on voit depuis le début de la saison, je vais pencher du côté des Patriots, là, qui sont trop dominants. Puis tu nous suggères quoi à part ça? À part ça, ben écoutez, le match le plus discuté de l'année passée, c'était Dallas à Philadelphie. En fin de semaine, dimanche soir, on a un rematch. C'est encore une fois Dallas à Philadelphie. Donovan McNabb qui reçoit son grand ami Terrell Owens. Terrell est très déçu que les Colts et les Patriots s'affrontent parce que ça y enlève un peu de spotlight, mais... reste que ces deux équipes qui s'affrontent pour la Nationale Est, c'est quand même... Bon, Dallas a une bonne avance, Philadelphie traîne de la patte, mais la saison n'est qu'à mi-parcours. On a encore beaucoup de football à jouer. Puis c'est un match du dimanche soir, donc qui attire quand même beaucoup d'attention. Ça a l'air d'ailleurs que Théo s'est pas réservé de chambre d'hôtel puis il s'en va coucher chez McNabb. Chez Paris Hilton, non? Non, non, ça va de coucher chez Donovan. Il a pris la chambre d'amis. La chambre d'amis, oui. Il va amener ses chiens. Ensuite de ça, on a Green Bay à Kansas City. Prochain match. C'est une surprise que je vous parle de ce match-là parce que, dans le fond, c'est deux équipes qui attiraient pas du tout l'attention en début de saison, Green Bay, Kansas City. Puis pourtant, c'est deux équipes qui vont de surprise en surprise depuis le début de la saison. Bon, c'est pas des équipes du calibre des Colts et des Patriots, mais c'est quand même deux équipes surprenantes qui s'affrontent demain. Les Packers qui sortent d'une victoire au Monday Night lundi. Mais malgré ça, moi, je pense que les Chiefs à domicile vont causer la surprise puis vont ramener un peu les fans des Packers les pieds sur terre. Ensuite de ça, ben, y a aussi les Chiefs en ont besoin pour rester dans la course dans l'Américaine Est parce que San Diego est en train de revenir en vie. Il est ressuscité pratiquement. Là. San Diego va affronter Minnesota cette semaine. On va avoir un duel de porteurs de ballon. On va avoir LaDainian Tomlinson du côté de San Diego. Le match est au Minnesota. Il va affronter Adrian Peterson qui a eu un très, très bon match contre les Bears il y a trois semaines. Mais les deux derniers matchs étaient un petit peu plus crottants. Alors, on verra ce que ça donnera. Je ne veux pas faire de jeu de mots douteux, David, mais les Chargers sont en feu. Les Chargers, vraiment, on le vend dans les voiles, en effet. Finalement, dernier match, rapidement. J'ai choisi les Ravens de Baltimore qui affrontent les Steelers à Pittsburgh. Beaucoup de fans des Steelers à Québec. Excusez-moi, là, mais la défensive de Baltimore est loin d'être du même calibre que ce qu'elle présentait des années antérieures. Ils ont perdu beaucoup de morceaux. Si on regarde juste le dernier match contre Buffalo, c'est le match du lundi soir, donc vous n'avez aucune excuse pour le manquer. Puis c'est un duel de l'Américaine Nord. Ah, il y a les poupées russes lundi, David, par exemple. C'est à ton choix, là, si tu veux accumuler des airlous. Merci, David. J'adore ta façon de parler de la NFL. Je suis pas beaucoup la NFL, mais j'avoue qu'à t'entendre parler, ça me donne le goût de le regarder un peu plus. En passant, les Steelers ne devraient faire qu'une bouchée des Ravens, même si au classement, les deux équipes sont relativement... le classement est relativement serré, mais je pense pas que le classement démontre la réalité. Même si les Steelers ont perdu le plus beau menton, je crois, de la NFL... Franchement, un changement de coach a fait du bien tant qu'à moi. David? Ça, c'est ça. Ouais. Qui n'a dit mot consent ou qui n'a dit mot ne veut pas se prononcer? Non, ben, le changement de coach, je pense que, si tu veux, on peut en parler. Bill Cowher, je pense qu'il avait accompli tout ce qu'il avait accompli, puis c'est pour ça qu'il est parti. Ouais. Mais il est quand même bien remplacé. Quand tu vas remplacer une équipe dans une équipe, tu vas remplacer un coach dans une équipe gagnante, un coach intelligent va arriver, puis il va pas tout défaire. Il va repartir avec ce qu'il y a de positif dans son équipe, quitte à s'ajuster. On avait déjà un corps de liés défensifs solides. On avait Willie Parker, on avait Ben Roethlisberger, on avait quelques receveurs déjà exceptionnels. Fait qu'on part avec une coupe de morceaux gagnants. Si tu essaies de révolutionner ton équipe, ben souvent tu vas repartir avec quelques années de misère devant toi. Puis je pense que du côté des Steelers, on n'est pas parti pour ça. On est parti pour une équipe encore qui peut aspirer à des championnats. Merci, David. Le fait qu'on ait parlé de la NFL, ça m'amène à parler d'un autre point parce qu'on sait que les tailgates, autant les tailgates du Rouge et Or sont populaires. Évidemment, ceux de la NFL puis du collégial sont immenses, avec plein d'idées saugrenues. Aujourd'hui, j'en ai gardé une pour vous. Ça s'appelle le Cruisin' Cooler. Puis d'ailleurs, sur le site web, vous irez voir, je vais laisser le lien. Mais le Cruisin' Cooler, évidemment, je vous dis ça, personne ne sait c'est quoi. Mais c'est une espèce de glacière motorisée avec quatre roues. Moi, j'ai vu la version moteur à essence, mais il existe aussi la version électrique. Avec ce modèle-là, évidemment, là, vous allez faire... Plus écolo, quand même. Plus écolo. Puis moi, je l'ai essayé. Je vous avoue que je me suis assis dessus. Je n'ai pas roulé avec. Je me suis assis dessus. C'est vraiment aucun confort. Mais évidemment, quand tu te promènes dans un tailgate avec une glacière comme ça, tu te fais bien des amis. Puis si tu veux beaucoup, beaucoup d'amis, il y a la possibilité de le faire comme un train. Fait que tu peux rajouter différents modules à ton Cruisin' Cooler puis te promener avec 3-4 glacières de bière en distribuant à peu près tout le monde. Mario du char barbecue va sûrement poser la question. Est-ce qu'on peut piner un char sur le Cruisin' Cooler? Je pense pas, mais je sais que ça vient au moins en rouge, en bleu, ça vient en jaune. Puis, si je me trompe pas, c'est en noir. En tout cas, ceux qui voudront peut-être l'acheter, je sais qu'au Canada, c'est disponible chez Outdoor Worlds, près de Toronto. Sinon, par Internet. Comme je vous dis, je vous fournis les adresses. S'il y a un freak qui a envie de l'acheter pour l'an prochain, moi, je vais être le premier à aller faire un essai routier. C'est ça pas va si faire cher plaisir. Que ça, par exemple. Je pense que c'est 100$, c'est ça? Non, c'est plus cher. Ben, oh. Ça dépend. Avec la valeur du dollar canadien, c'est peut-être rendu à 100$. Mais c'est quelque chose, ça tourne aux alentours de 200$. Ça dépend si on veut la version à moteur, à essence ou celle électrique. Écoutez, là, c'est vrai qu'on approche à la fin. On s'était fait un horaire très serré. On a débordé, mais en même temps, je pense qu'on a beaucoup aimé notre expérience. Notre première expérience, qui, je l'espère, on va pouvoir répéter la semaine prochaine. En fait, j'y crois beaucoup. Parce que si le Rouge et Or gagne, bien sûr, on va être encore en onde la semaine prochaine. Pardon. Pour terminer, bien évidemment, je veux remercier David. David, qui a été notre technicien régisseur hors pair, notre homme de la NFL aussi. Donc, merci beaucoup pour le bon travail, pour nous avoir prêté les studios de Third Pole, le groupe que vous avez entendu en musique tout à l'heure. Puis, encore là, sur le site web, vous allez retrouver les liens. Je veux remercier mon complice, Charlie, c'est avec Charlie qu'on fait le travail sur Laval Fans. Donc, c'est Charlie qui se tape dans les estrades, qui va faire les photos. Charlie passe énormément de temps. Je remercie sa blonde aussi de lui donner justement le temps nécessaire. C'est pour ça qu'il n'y a pas de dents. Premièrement, ma santé ne me permettait pas de faire un dans les estrades cette semaine, mais aussi qu'à un moment donné, là, passer 2-3 jours par soir sur Laval Fans, ça coûte cher. ça, c'est une chose. Je veux remercier aussi Beau, vous allez recroiser évidemment sur le forum. C'est un membre très actif. Beau, comment t'as trouvé ton expérience? Ben, fabuleuse. Fabuleuse, oui. Sérieux, si je peux dire à tous ceux qui lisent Laval Fan, là, on est en voiture avec Charlie puis Phil. Là, c'est bon. C'est intéressant. J'ai bien hâte de voir. C'est j'ai gentil. Hâte de voir ça fait... Merci beaucoup. C'est gentil de dire ça. Merci beaucoup à Mathieu d'être prêté au jeu parce que. Pour nous autres, on misait gros, on se disait « c'est le fun, on va avoir quelqu'un qui va nous donner justement une vision interne du Rouge et Or ». Écoute, c'est pas à tous les jours qu'on a la chance de faire ça. Nous, on a une vision de justement des estrades. Toi, t'en as une de l'intérieur. Écoute, merci d'avoir été avec nous. Puis je voudrais savoir comment vont les choses pour toi, comment va le genou, la blessure. Pour ce qui est du genou, ça va super bien. J'ai couru aujourd'hui pour une des premières fois. C'est sûr qu'on fait de la musculation, de la piscine en masse, de la physiothérapie. C'est sûr qu'à partir de la semaine prochaine, c'est la date où je perds tout, malheureusement. On passe sous le bistouri pour les petites coupures puis ramancher le tout. Mais tout ça pour revenir plus fort. Donc, de ce côté-là, c'est positif. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. C'est sûr que ça va être triste pour les premiers jours, les premières 24 heures, mais par la suite, au moins, c'est bon signe pour le futur. C'est sûr que ça va être long comme processus, mais je pense qu'en but ultime est de recontribuer à l'équipe en date future, ça donne la motivation nécessaire. Ah ben, c'est le fun d'entendre ça aussi. Puis je tenais aussi à vous dire, pour ceux-là qui ne sont pas ici, un chapeau à vous trois. Je suis le joueur ici aujourd'hui qui a la chance de participer. Mais je pense qu'en termes de mouvement, en termes d'appui, pour un joueur étudiant au niveau sport étudiant, au niveau universitaire, je pense que c'est... on peut dire qu'on est les seuls au Canada qui ont ça. Je pense qu'on est les seuls dans une cave, dans un studio, ce soir, en train de discuter de football, universitaire, entre autres. Que ça passe à la télé, que ça passe à la radio, c'est pas ça qui est important. L'important, c'est qu'on en parle. Et chapeau à vous pour la démarche que vous avez faite. Félicitations. Merci. Mathieu, tu dis ça. Tu dis pas ça à 3 personnes. Tu dis ça à 18, 20, 30, 40 000 personnes qui aiment le rouge et or. Oui, c'est ça. Passionnément. Puis je dirais que déjà, ne serait-ce que sur Laval Fans, c'est consulté par 1000 personnes par jour. Donc, je veux dire, déjà en partant, on a quand même... Il y a un bon bassin. Fait que ton message est bien entendu. Nous, on le retient. Puis j'espère de tout cœur qu'on va se retrouver la semaine prochaine. Parce qu'évidemment, si on se retrouve, c'est parce que le Rouge et Or a gagné. Donc, bien entendu, c'est notre objectif ultime. J'espère que vous avez apprécié l'émission. Je vous invite à aller consulter les forums. Donnez-nous vos commentaires. Dites-nous comment vous avez trouvé ça. Vos suggestions. On est tout oui. Puis, soyez pas gênés d'écrire. C'est exact. Compliqué. C'est ça. On va répondre aux questions. Puis sans hésitation, moi, j'ose quand même vous dire, on se reparle la semaine prochaine. Merci. On s'habille en rouge samedi. Bon 13e point. Joueur. Merci. 13e joueur. Les gars n'ont besoin go du 13e. Go Laval, go.